que pour les mecs stylés, ceux qui flinguent fort. Yes, frérot. Il propose Coco Chanel d'un coup, je l'aime beaucoup. Congolais. Il fait un coucou chez elle, elle me dit, je te vois partout. Toi, c'est les flashs, et comme t'aimes pas quand c'est tout, tout, tout, tout. Mais moi, j'aime celui qui sort du cash, qui sort tout, tout, tout, tout, tout. Son cœur fait tout, tout, tout, tout, tout, tout. Moi, je flingue genre tout, tout, tout, tout, tout. Mes talons, c'est des loups, ils claquent au sol, genre tout, tout, tout, tout, tout. Il m'aime, il aime tout, tout, tout, tout. Brr, j'arrive en brr, j'envoie la brr. Nous font les PDG, c'est pas la R. Regarde nos pockets, c'est rempli de ouf. Je rentre à ça, juste après code, Daniel dans le coste. Qui sur le côté, elle se connaît côté, donc on parle en codé. J'ai le goût gelé, t'es mal à ice. J'allume mes caisses comme Ice Spice. Je paye une Rivoli Saint-Honoré. Apple Pay, je regarde plus le price. Il me faut 3 baby comme Neo. Neo, Neo, Neo. Je la fais jumper, porte papier, elle trouve ça mignon, mignon. Lady.